L'ordonnance. Nous sommes couchés sur le banc d'angle de la cuisine. Nos têtes se touchent. Nous ne dormons pas encore, mais nos yeux sont fermés. Quelqu'un pousse la porte. Nous ouvrons les yeux. La lumière d'une lampe de poche nous aveugle. Nous demandons: Qui est là? Une voix d'homme répond: Pas peur, pas peur, vous pas peur. Deux vous êtes ou moi trop boire? Il rit. Il alluma la lampe à pétrole sur la table et éteint sa lampe de poche. Nous le voyons bien maintenant. C'est un militaire étranger, sans grade. Il dit: Moi être ordonnance du capitaine, vous faire quoi là? Nous disons: Nous habitons ici, chez notre grand-mère. Vous petit fils de sorcière? Moi jamais vu encore vous. Vous êtes ici depuis quand? Depuis 2 semaines. Ah! Moi être parti, permission chez moi, dans mon village, bien rigoler. Nous demandons: Comment se fait-il que vous parliez notre langue? Il dit: Ma mère naître ici, dans votre pays. Venir travailler chez nous, serveuse dans bistrot. Connaître mon père, se marier avec. Quand moi être petit, ma mère me parlait votre langue. Votre pays et mon pays, être pays ami. Combattre l'ennemi ensemble. Vous deux venir d'où? De la grande ville. Grande ville? Beaucoup danger. Boum boum. Oui, et plus rien à manger. Ici, bien pour manger. Pommes, cochons, poulet, tout. Vous restez longtemps ou seulement vacances? Nous resterons jusqu'à la fin de la guerre. Guerre bientôt finie. Vous dormir là? Bonne nuit, dur, froid? Sorcière, pas vouloir prendre vous dans la chambre? Nous ne voulons pas dormir dans la chambre de grand-mère. Elle ronfle et elle sent mauvais. Nous avions des couvertures et des draps, mais elle les a vendus. L'ordonnance prend de l'eau chaude dans le chaudron sur le fourneau et dit: Moi devoir nettoyer chambre. Capitaine aussi revenir permission ce soir ou demain matin. Il sort. Quelques minutes plus tard, il revient. Il nous apporte deux couvertures militaires grises. Pas vendre ça, vieille sorcière. Si elle est trop méchante, vous me dire, moi poum poum, je tue. Il rit encore. Il nous couvre, éteint la lampe et s'en va. Pendant la journée, nous cachons les couvertures dans le galetas.